On peut avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît? Surprise! Il y a quelqu'un! Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. L'émission! Que la fête commence, les amis! Ça ira mieux demain, l'émission. Une nouvelle. Je sais pas ce que j'ai fait. Bah, ouais. Pour moi, j'ai mis. T'avais pas monté le potard. Une nouvelle émission. Non, faut que j'appuie sur des boutons. Bah, peut-être. T'es trop en phase, t'as gagné, t'es content. Voilà, voilà. C'est pas grave. Le pire, c'est que t'aurais pu écouter les extras avant, en fait. Mais t'as même pas fait. Mais arrêtez de dire que je suis. Je ne triche pas. Je ne suis pas un tricheur. Oui, il ne triche pas. Oh. Mais non, il triche pas. Bon alors. Non, mais là, en plus, toi, tu je te déconcentre. Tu me déconcentres dans mon émission. Je boude. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, bon, donc, j'ai 3-4 chansons de Chéri Chéri Lady à vous proposer que j'ai trouvées. Allez, donc, au menu de cette nouvelle édition de Ça ira mieux demain, une série d'Apple TV+, que nous avons un peu à faire un focus dessus, ça s'appelle Sugar, et avec Colin Farrell, qui revient dans le monde des séries. On en parle dans quelques instants. Mais, avant cela, Emmanuel Moir est sorti ce matin un nouveau single, tiré d'un album qui va sortir aussi à la fin du printemps. Ça s'appelle « Sois un homme ». Écoutez attentivement les paroles. Quand on est petit, alors ça ne concerne pas trop Manon, mais ça concerne plutôt Laurent et moi, on a tendance à dire « Tu sais, il faut que tu sois un homme ça ne pleure pas, un homme ceci, ça doit, machin, ceci, cela ». Emmanuel Moir, à mon avis, dans sa jeunesse, a eu souvent affaire à ce type de représentation et ça l'a beaucoup marqué. Il en a fait une chanson, c'est magnifique et en plus ça bouge un peu, c'est très très bien. On découvre ça ensemble. Emmanuel Moir, notre coup de cœur de ce jour. On m'a demandé d'être dur, on m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur, et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps, c'est même à ça qu'on mesure, tous ceux qui font des efforts. Tous ceux qui font des efforts. Sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé. À personne, à personne. Cette foutue ligne d'arrivée, on m'a dit il faut séduire, toucher les corps, les compter. nécessaire. T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire. Et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles, les manières. Les mecs ça prend pas de gants. Moi j'ai rien demandé à personne. Voilà, Sois un homme, Emmanuel Moir, son nouveau single que je vous invite à réécouter dans la programmation de Fadjet car elle doit s'y trouver comme beaucoup de titres qui sont sortis aujourd'hui. Ça vous a plu ? Oui, enfin ça va. Splendide. Moi j'adore. Ah, moi j'adore. C'est mon petit coup de cœur du jour. Je trouve que les paroles sont magnifiques, la musique est rythmée. Voilà, je suis très content de retrouver Emmanuel Moir. Je pense que au lieu de m'endormir avec la nouvelle chanson de Dieter Bohlen, je vais m'endormir avec Emmanuel Moir. La série phare de d'aujourd'hui, je veux vous parler de Sugar. Alors Sugar, c'est une série qui est sortie depuis déjà 15 jours et qui a la chance de voir revenir au premier plan Colin Farrell, que l'on n'a pas l'habitude de voir dans une série. Mystérieux, méthodique, détestant la violence, empathique, le détective privé John Sugar doit enquêter sur la disparition d'Olivia, la petite fille du célèbre producteur hollywoodien John Siegel. Au fil de ses investigations, les secrets de la famille Siegel vont être mis à jour. Tous les codes du thriller noir américain sont réunis, donc nous avons un privé, bien sûr, endossé par Colin Farrell, également, qui est le producteur exclusif de cette série également. Nous avons une voiture. Alors, on parlait de Columbo tout à l'heure. Qui parle ? On parlait de Columbo tout à l'heure. Il y avait le personnage emblématique du détective qui était effectivement toujours rattaché à sa fameuse Peugeot qu'on ne dissocie plus maintenant de Columbo. Eh bien, notre ami John Sugar a, lui, une Chevrolet Corvette rutilante des années 60. Il y a aussi une voix off qui raconte un peu l'histoire, qui vient étayer les réflexions comme une petite voix de notre enquêteur. Il y a plein de jolies filles, lesquelles il garde à distance, qui regardent cela à distance. Et puis, un petit alcool, comme tout bon détective privé, eh bien, un alcool qui commence par un W et qui termine par un Y, si vous voulez jouer à ce jeu de mots que l'on doit consommer, bien sûr, avec modération. Il y a bien sûr une solitude du détective qui est un petit peu mystérieux et qui est seul, et qui a aussi des traumatismes d'antan. Voilà, vous avez un petit peu les recettes de cette série Sugar qui vont vous tenir en haleine pendant près de 8 épisodes de 40 minutes un épisode par semaine. J'aime bien finalement ce rythme pour certaines séries d'avoir un épisode par semaine un peu à l'ancien temps. Et ça, c'est sur Apple TV+. Les deux premiers épisodes sont déjà sur MyCanal, puisqu'Apple TV+, c'est sur MyCanal. Et donc, le troisième épisode sort aujourd'hui de cette série, donc qui en compose 8. Il y a pas mal de rebondissements, nous annoncent les critiques, puisque bien sûr, on ne peut pas l'avoir vu jusqu'au bout pour l'instant. Et c'est un hommage au classique hollywoodien. On nous l'annonce comme étant ceci. J'ai regardé le premier épisode, sincèrement, ça donne envie. C'est très mystérieux, c'est un peu voilà, dans la veine un peu des séries des années 50-60, avec cet inspecteur mystérieux, ce détective privé plutôt, John Sugar, que vous pourrez suivre donc pendant 8 épisodes de 40 minutes. C'est des épisodes assez courts, hein. C'est le format à l'ancienne des épisodes de Columbo, enfin pas de Columbo, de Starsky Hutch, parce que Columbo c'était un format un peu plus long. C'était une heure à peu près. Oui, oui, c'était du 90 minutes. Hein. Starsky Hutch, on était dans le 45. On était dans le 40-45. Voilà. C'est notre série phare. Et donc, voilà, je vous invite à la regarder sur Apple TV+, My Canal. Avant d'attaquer avec d'autres séries, alors dans un... On met pas la bande-annonce de Sugar ? Si, si. Ah bah oui, je crois que tu l'avais pas. Oui, effectivement. Bah oui, tu... Mais je regardais, mais par... Oui, moi j'attendais le top. Et ben voilà, on écoute la bande-annonce. Je croyais qu'elle n'était pas dedans. Je savais. Encore une belle journée en Californie. Ici. Je suis quelqu'un de bien. Mais le bien et le mal ne sont qu'une question de point de vue. All the leaves are brown. John Sugar. And the sky is gray. Je suis détective privé. On m'a dit que votre travail se résumait à une seule chose. Retrouver les disparus. Sa petite fille. Elle a disparu. Sugar, je n'aime pas que tu sois sur cette affaire. Et toi, mon pote, t'es qui ? Vous étiez au bar parce que vous me suiviez, John Sugar. J'ai besoin de vous. Vous vous cachez derrière un masque. Vous croyez ? Vous avez des secrets. Pas maintenant. J'arrêterai pas de la chercher. Elle est là, quelque part. Ces gens mentent. Mais je sais pas pourquoi. Vous gaspillez votre temps et l'argent de mon père. C'est quelqu'un que je suis pas censé trouver. Quelqu'un que tu protèges. Ils ont besoin que tu arrêtes. Qui ça, il ? Quelqu'un garde un œil sur moi. Elle était morte de peur. Peur de quoi ? Quelqu'un a dit un jour, basculer le monde sur le côté et tout ce qui est instable atterrira à Los Angeles. Après tout ce temps, est-ce que cet endroit commence à me faire basculer ? Du soir. Voilà, vous avez eu tous les ingrédients. Je ne sais pas si vous avez repéré. La voix du détective, la petite voix qui parle aussi, vous voyez, elle a une belle, c'est une belle voix un peu rauque. Oui. La musique, je vous ai pas parlé de la musique, mais la musique qui porte bien aussi la série. Franchement, j'espère que je ne serai pas déçu du déroulement, mais pour l'instant, le premier épisode m'a donné envie et j'espère que je vous aurai communiqué cette envie. Quand on voit les images qui traînent sur Internet pour présenter la série, des images léchées, ouais, soignées, exactement, c'est vrai que ça donne aussi une ambiance assez prenante du côté de cette série. Alors Colin Farrell, je vous le dis, producteur et qui joue le rôle de John Sugar, mais aussi Amy Ryan, Sidney Chandler, Kirby Howell-Baptiste, Nate Cordby, James Crowell. Que des gens connus. Alors des gens, voilà, qui ne vous disent peut-être rien, mais si vous regardez leur image, c'est des gens qu'on a déjà vus dans des séries, hein, notamment Amy Ryan et James Crowell. Victorien a sorti son disque ce matin, c'est donc le cinquième, le cinquième Star Academicien à sortir son single. Star Academicien, ça s'appelle Tous les matins. Alors, bon, Victorien, on t'en veut pas, bon, on est le soir, on le passe quand même. Hein, mais bon, franchement, ce serait plutôt un disque pour l'équipe de la matinale. Alors, Victorien a une belle voix et il joue absolument bien aussi avec le parler. Il pourrait avoir une carrière un peu à grand corps malade. Mais c'est un clin d'œil à Encore un matin ou rien à voir ? Ah non, rien à voir. Rien à voir ? Non, non, non. Ça ira mieux demain. L'émission ! « Soleil d'hiver sur les volets, le jour venait d'apparaître. T'avais les yeux encore fermés, sûrement des rêves plein la tête, moi. J'étais là, je t'admirais, je voulais que jamais ça ne s'arrête. Jardin d'Éden dans mes pensées, mes sentiments font des pirouettes. Une chemise bien trop grande pour toi, tu l'utilises pour te rhabiller. Tes cheveux des fées qui reposent comme de la soie sur l'oreiller. Je sens ton parfum qui m'enivre, un mélange de toutes ces odeurs. Ce moment, je voudrais le vivre, là dans ma tête pendant des heures. Le corps pas trop emmitouflé, un éclat de lumière sur la peau. Toutes mes idées s'illuminaient, c'est la définition du beau. J'aurais voulu que le temps s'arrête, juste admirer ta silhouette, mais le sable s'arrête qu'au moment de la dernière fête. Tous les matins, je rêve, tous les matins, tendresse, tous les matins, j'en rêve tous les matins. Tous les matins, je rêve, tous les matins, tendresse, tous les matins, j'en rêve tous les matins. Alors je repense à la veille, à nos corps liés sans nul pareil, à tes yeux bleus me regardant, au bruit de tes boucles d'oreilles, ta voix qui murmure ton amour, ta voix qui sonne comme un poème, ma voix qui te dit tous les jours. Si tu savais comme je t'aime, une œuvre d'art là devant moi, tu seras mon égérie, ma muse. Si un jour j'oublie ça, je te présente toutes mes excuses, tu t'offres à moi tel un tableau, j'aurais envie de t'exposer parmi les plus belles peintures. Dans les galeries du monde entier, je me souviens du feu d'hier, de la cohésion de deux êtres, la peur d'un geste de travers, mais je n'ai rien laissé paraître. Bulle invisible autour de nous, on crée un nouveau monde, un monde à deux, un monde à nous, on partageait nos plus belles ondes. Tous les matins, je rêve. Tous les matins, tendresse, tous les matins, j'en rêve tous les matins. Tous les matins, je rêve tous les matins, tendresse tous les matins, j'en rêve tous les matins. J'en rêve tous les matins. Tous les matins, je rêve tous les matins. Tendresse tous les matins. J'en rêve tous les matins. Réveille Laurent. C'est dommage. Quelquefois, ça serait drôle de faire de la télé. Alors, je sais pas si on aurait le même comportement hein, si on faisait de la télé. Devrait se filmer sur Twitch. Si on était filmé, ah oui, bah. Là, regarde, il y a une caméra. Oui, bah écoute, tu peux faire. Hein, c'est ton époque, c'est plus de notre. Et on a des nouvelles de Léa, Gauthier, des autres là, qui avaient sorti des singles de la première saison, enfin du premier retour. Bah, ils n'ont pas de ouf marché. Hein. Bah, ils n'ont pas de ouf marché, non. Donc, voilà. ils retournent chez eux. C'est Anisha, un peu. Anisha, bah, bon, qui a gagné, ouais. Donc... Oui, bah, pas de ouf non plus, hein, qui diffuse. Et lui, là, vous pensez que... Tous les matins, ça va passer. Non, après, il y a eu quoi, 1500 vues depuis qu'il l'a posté ce matin. Donc, c'est pas Pierre Garnier, hein, c'est clair. Hein. Mais bon, voilà, après... Enfin, voilà, c'est pas mal, moi j'aime bien. Oui. C'est du grand corps malade. C'est du grand corps malade, oui, donc je trouve qu'il y a un style. Ouais, mais bon, grand corps malade, c'est grand corps malade, quoi. Ouais, non, mais bon, grand corps malade, il a quel âge? Il a 40 ans maintenant, grand corps malade. Hein, oui, et alors Non, mais je veux dire, comment était grand corps malade à 20 ans, donc tu vois. Tu crois pas que dès le départ, grand corps malade, il est venu avec quelque chose de nouveau, oui, qui a interpellé les gens. Peut-être, mais tu vois, il y a quand même, il y a de la place pour plusieurs personnes dans ce style-là. Il pourrait trouver son créneau. Tu vois, il se démarque au moins. Tu vois, il y a un créneau. Voilà. À part Grand Corps Malade, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, non. Je vais peut-être me faire assassiner par tous ceux qui en font et qui m'écoutent, mais il y en a peut-être d'autres. Peut-être que parmi tes fans, ils vont toquer à ta porte et te dire, et nous, on peut passer dans Ça ira mieux demain? Bah, peut-être, il n'y a pas de souci, la porte est ouverte. Allez, maintenant, bienvenue au palais. Arrêtez de vous foutre de moi. Bah non, mais on sent la fin de semaine quand même. Mais c'est toi là qui dis pas de chouchi là. Parce que ma langue a fourché. Ma langue fourche en ce moment. Et ma langue va encore fourcher parce que là, alors j'aurais bien voulu vous mettre la bande-annonce, mais c'est du chinois. Voilà, ça n'aurait pas été terrible. Par contre, ça a l'air d'être super drôle. Ça s'appelle Chicken Nugget. C'est sur Netflix. La saison 1 est sortie cette semaine. C'est une avec des gens qu'on ne connaît pas, bien sûr. Je ne vais pas vous citer les noms, mais je vais vous raconter l'histoire. C'est très très très drôle. Après être monté dans une étrange machine, Min-A se retrouve transformé en boulette de viande. Son père et l'un de ses employés, admirateurs de la jeune femme, vont donc faire leur possible pour lui redonner forme humaine. Oui, vous avez bien compris, elle se transforme en boulette de viande. Et à aucun moment, ils ont envie de la manger. Et déconnante et décapante, cette série totalement déjantée, déstabilise dès les premières minutes. On est tenté d'interrompre le visionnage, tellement c'est absurde, mais on reste par curiosité. Et attention, on se prend finalement au jeu d'un récit complètement déglingué, de personnages caricaturaux, et cette boulette de poulet, qui bien qu'appétissante, suscite quelques émotions. C'est vrai que la bande-annonce est très très drôle. Vous les voyez parler à une boulette, c'est quand même complètement... C'est chinois ou c'est coréen ? C'est coréen, pardon. Je pense que, enfin, je crois que c'est coréen, oui. Ouais, mais alors là, parce moi, qu'ils aiment bien faire des trucs comme ça, les Coréens. Et surtout, je voudrais souligner que du côté des séries coréennes, on est vraiment dans l'originalité à chaque fois. Ah bah oui, il y a Squid même Game, quand hein. ils sont dans la science-fiction, dans l'action et compagnie, à chaque fois, c'est vraiment chiadé. Et voilà. Alors là, on est dans peut-être l'absurde et dans l'humour, voilà. Mais ils cherchent toujours à innover et à apporter quelque chose de nouveau. Voilà, donc 10 épisodes quand même de 35 minutes. Hein, donc il y a quand même 355 minutes de boulettes. Donc, Puis même dans les trucs sérieux coréens, et ben il y a toujours de la rigolade. Ils aiment bien mettre de l'humour. Ils aiment l'humour, les Coréens. Et enfin, ben je voilà. trouve en tout cas. Oui, donc... et puis voilà, il y a eu certains problèmes de production de séries qui nous ont permis de découvrir ces séries coréennes qui, franchement, valent le détour. Hein, oui, je suis d'accord. On s'y met de plus en plus, nous. Du côté des Français, on est dans une tentative de refaire un énième HPI avec Mademoiselle Holmes, apparemment. Mais en Corée, non, hein, on essaye d'être original. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit tour du côté du Chicken Nuggets et de vous enfiler une petite boulette. Celle-là, elle était facile, bravo. Elle était ouais, facile. Trop ouais. facile. Alors, du côté des bandes-annonces, voici deux bandes-annonces. Oui. Alors donc, j'ai deux bandes-annonces devant moi. Donc normalement, si c'est dans le bon ordre, on doit d'abord diffuser The Walking Dead. Ouais, alors là, on rigole plus parce que là non plus. Spoil là, enfin. C'est The One Who hein? Lives. C'est la nouvelle... c'est une nouvelle... comment ça s'appelle Spin-off. C'est un spin-off, ouais. Série dérivée. Une série dérivée de la série mère The Walking Dead. Dans un monde dévasté où la lutte contre les morts vivants est une épreuve quotidienne, deux combattants se retrouvent, Rick et Michonne. Rick et Michonne, peut-être, hein, je pense. Michonne. Rick et Michonne. Jadis, le destin les avait séparés parce que si vous êtes. Toi, tu suivais Walking Dead. Oui. Donc, effectivement, dans la série, à un moment donné, ils sont séparés. Bah, Rick, c'est pendant longtemps le personnage principal, voilà. La tête de pont de The Walking Dead. Et quand Michonne arrive, voilà, c'est son pendant féminin, c'est un personnage assez fort. Voilà, et tandis que Rick est donc amputé d'un bras, avait malgré tout poursuivi son engagement auprès des autorités contre les zombies, Michonne s'était réfugié au sein d'une petite communauté de résistance nomade. Leur amour aura-t-il résisté aux épreuves ? Vous le saurez en regardant The Walking Dead, The Ones Who Lives. Exclusivement sur Paramount+. J'ai perdu un être cher. Il y a des années. Maintenant, c'est à moi de le chercher. Je dois continuer à essayer de m'enfuir. Elle est toujours dehors, quelque part. On va devoir faire un sacrifice. Le monde s'est effondré. Mais toi et moi, ensemble... On est capables de tout. The Walking Dead, The Ones Who Live. Nouvelle série en streaming, exclusivement sur Paramount+. Voilà, vous l'avez compris, c'est sur Paramount Plus que vous devrez pouvoir regarder ça en payant une petite piécette supplémentaire à votre abonnement d'Amazon Prime. Tout de suite, l'autre bande-annonce, The Signal. Alors ça pourrait m'intéresser, non ? Ça pourrait t'intéresser. Et on en parle après. On en parle après. Il n'y a rien du tout là-haut. Certaines choses nous dépassent. Pourquoi maman n'aime pas notre monde. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle aime notre monde. Il y a aussi certaines choses qui sont bien plus petites que nous. Et qui ont besoin de toi. Avez-vous eu des contacts avec votre femme avant le décollage? Vous a-t-elle semblé étrange? Je t'aime. J'ai parlé avec maman. Paola. Elle a découvert quelque chose là-haut. C'était toujours le même message. Quelque chose d'incroyable vient nous voir. Personne ne doit être mis au courant. Je vais m'occuper de toi. Oui, je sais. The Signal, l'avion qui ramenait Paola auprès des siens après une mission dans l'espace disparaît, inconsolable. Le mari et la fillette, malentendante de l'astronaute, découvrent que celle-ci a été confrontée à des éléments troublants lorsqu'elle était à bord de sa station spatiale. Nous sommes donc aux frontières du réel et de la science-fiction. Après la série Constellation que vous avez pu voir sur Apple TV+, nouvelles incursions donc dans la pesanteur au cœur de l'ISS avec cette science-fiction allemande sur Netflix. Ah, c'est allemand ? C'est allemand. Ah. C'est pour ça que c'est pour toi. La musique n'est pas de Dieter Bohlen ni de Tom Anders. Mais voilà, c'est une mini-série, ce qui est bien, 4 épisodes de 60 minutes, donc en une après-midi, une soirée, un 20h minuit, c'est fait. C'est ils sont quand même de plus en plus longs les épisodes, hein. Avant c'était 45 minutes. Bah ça oui, ça maintenant, dépend, tu vois, une... ça dépend, Sugar c'est plus court, ça dépend, ouais. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse, comme dirait Laurent. Et là maintenant ? Eh bien là maintenant, on commence, alors tu vois, tout à l'heure, Laurent... On parlait de Melrose Place. Eh ben, on revient à cette époque-là. Alors, mais c'est vraiment eux qui reviennent ? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Et quand tu vois le clip, eh ben, ils ont notre âge, voire un peu plus jeune ou un peu plus vieux pour certains. Les New Kids on the Block. C'était des jeunes. Ils étaient, voilà, tout jeunes dans les années 90. C'était un groupe, un des premiers groupes, comment on dirait ? Les boys bands. Des boys bands américains. C'est peut-être... D'ailleurs, le premier boys band de l'histoire qui a vraiment cartonné, qui a inondé la terre, le monde entier à l'époque. Ils ont fait plusieurs albums, ils sont déjà revenus il y a quelques temps de cela et ils reviennent encore une fois avec l'album, un titre qui s'appelle Kids. Et ça n'a pas perdu, le son est toujours aussi bon. Et c'est vrai que c'est marrant parce que quand on entend le son, on imagine... C'est, ça pourrait être des jeunes qui pourraient chanter ça. Et non, ils ont toujours autant de ferveur, autant de bonheur à chanter ça quand on voit le clip. C'est ça qui est drôle. Tu dis, oh, un nouveau groupe de jeunes. Et non, c'est des cinquantenaires qui chantent. Voici c'est des vieux. Des New Kids on the Block. Voici Kids. Et au passage, je remercie Manon. Ça fait beaucoup de vieux, là, aujourd'hui. Hein. J'ai fait exprès. Ouais, tu rentres à pied. Taking it out. Les New Kids on the Block pour finir, ça ira mieux demain l'émission. Ça fait pas vieux en fait. Ah, ça fait pas, ça fait pas vieux. Manon, c'est très je te remercie Manon de cette touche positive. Bah écoute, faut être honnête, c'est tout. Donc, ah vois, oui, non mais là il y a pas de doute. Ça veut dire que Laurent pourrait chanter nous, tu vois. Non. Bah pourquoi non, pas. Non, faut mieux pas. Oh là là. Bah, tu m'as pas entendu chanter. Exactement. Hein. Je veux pas, ça ira, merci. Eh bien, puisque tu l'as réclamé, nous allons faire un... C'est faux, j'ai vraiment dit, ils veulent pas lâcher. Nous allons faire quelques minutes supplémentaires. Chérie, lady. Non, c'est pas ça. C'est parce que je voulais offrir à Laurent un petit cadeau. Il a besoin de réconfort. Il n'y a pas eu le choix de Manon aujourd'hui. Non, eh bien, ce sera le choix de Laurent. Et tac. Oui, mais bon, tu crois que nous, les vieux, on va sans arrêt te demander ton choix, donc ça va bah, pas, oui, non bah oui, hein bah oui, bah oui, bah oui. Non, mais on va demander le choix de Camille. Bonsoir voilà. Camille. Camille qui est avec nous. Exactement. Qui ne veut pas parler dans le micro, mais qui va dire bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci Camille, je suis content. Voilà, ta sœur est quand même plus sympathique que toi. Hein. Jamais elle nous dirait qu'on est vieux. Exactement. Ah bah c'est clair. Ah, mais regarde. Dis-leur, faut être honnête dans la vie. Non, parce que là, on a été malmenés aujourd'hui. Oui, oui. On était qu'avec des jeunes, c'était dur. Hein. Est-ce qu'on pourrait faire le Camille série quiz? Le Camille série quiz, oui, aussi. Ah bah, je sais pas combien de séries elle connaît, ça va se trouver sur les doigts d'une main. On irait pas loin. Non, on fera une série médicale. Le Camille avec les vieux, Camille à l'épaule. Oh là là là là. Vous êtes méchants. Bon, alors là, j'essayais de sauver les meubles, mais donc, bon, elle enfonce le clou. Merci Manon. Et je fais de rien. Voilà, je veux finir l'émission en faisant un petit cadeau à Laurent, le nouveau Pet Shop Boys, parce que... En l'écoutant, je disais, s'il y a un concert où je pourrais aller avec Laurent et on pourrait être aussi fan l'un que l'autre de ce groupe... Pas avec moi. C'est bien un concert des Pet Shop Boys. Hein, on pourrait être complètement... À fond. Comme des gamins. Comme des gamins, en réécoutant les Pet Shop Boys, qui eux aussi ont pris un peu de la bouteille. Hein, ils sont... Comme vous. Comme nous. Je sais même pas s'ils sont même pas plus vieux que nous. Hein, bon. Je vais demander à Jean-Luc. Tu sais, Jean-Luc, lui, c'est le roi de la technique. Voilà, t'as un problème technique, il est là, des bonnes idées et compagnie. Je vais lui demander, c'est sur la table de mixage. Là, je peux pas avoir un bouton, tu sais. Le toit s'ouvre et Manon saute. Allez, éjection. Éjection. Vous m'aimez trop. Elle a dépassé son quota. Éjection. Non. Ou mieux, les petites décharges électriques. Tu sais, les... Dis que t'as juste à éteindre mon micro. Ce serait bien. T'as juste à éteindre mon micro. C'est rapide. Bon, plus sérieusement, il y a pas de Charlie & Co ce soir, non, on est sûr. Okay. Mais non, il y avait la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ok. Donc là, voilà, on se quitte avec le nouveau Pet Shop Boys. Ça s'appelle Dancing Star. Et Manon va pouvoir nous traduire ça facilement. Les stars qui les étoiles qui dansent, une étoile dansante, des étoiles dansantes, voilà, et on va se quitter là-dessus. Moi je vous retrouve dans moins de 25 minutes pour la révélation du 1412e numéro du Hot 40 et nous on se retrouve la semaine prochaine avec moi Laurent. Je vous retrouve vendredi prochain, toujours présent, toujours là. Ouais, pour le Manon. J'attends mon fan club, j'attends des petits comptes fans de moi. Ça marche. Comme papa, enfin comme Benoît, pardon. Oula. Oui. Alors, déjà que lui. Qu'est-ce qu'il y a à lui? On l'attend toujours, le fan club. Bah, ils sont où Ils sont où, on sait pas. Ils sont là. Ils sont là? Bah alors, ils sont là aussi, Manon. Bah voilà, parfait. Allez, bon week-end. Prenez soin de vous. Et bon à week-end, la semaine prochaine et à tout prochain. À l'heure pour le 40. Bye bye. Alfie, blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier at Orly Airport. Climb a medical asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Well, the truth is that they always do. In the 60s, that's how bright you shine. Who dares to stop when all your stars align?